إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن من الظواهر السيئة التي راجت وانتشرت في مجتمعنا وأصبحت كابوسا يهدد قيمها وحياتها ومرضا عضالا يقطع أوصالنا ويلوث أخلاقنا ويزيد من شر الأدواء ونشر الأدواء فيما بيننا نشر الشائعات إن الشائعة عبارة عن نقل خبر مكذوب أو فيه جزء من الصحة فيضاف إليه ما ليس فيه وقد تكون الشائعة عبارة عن تهويل للأحداث وتدخيم للوقائع واختلاق للأخبار ونقلها بين الناس ونشرها في المجتمع بقصر نشر الفوضى وإثارة الأحقاد وتفريق الصف أو الانتقام من شخص أو فئة أو دولة عباد الله إن الترويج للشائعات وإذاعتها واختلاق المعلومات الكاذبة صار فنا يدرس وسلاحا يفتك إنهم ينقلون الأخبار الزائفة والأنباء المغلوطة والأقاويل المكذوبة إنهم يقومون ببثها ويدندنون حولها ويكثرون البلبلة والتهويل لها وإنه مما يؤسف إن مما يؤسف له أن أكثر الناس يسمع الأخبار وينقلها من غير تمييز ولا تثبت بل ربما يعرف أنها غير صحيحة وينشرها بغرض تكثير المتابعين أو السبق الإعلامي كما يسمونه أو حتى بغرض التشويه للآخرين عباد الله إن نشر الشائعات ليس وليد اليوم بل كان من القدم حتى إن أطهر مجتمع على وجه الأرض عانى منه واشتكى أثره بل إن أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وصله أذى الشائعات وعانى من أثرها في بيته قال الله تعالى معاتبا المؤمنين الذين خاضوا في شأن حادثة الإفك إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ثم توجههم كيف يكون موقفهم من الشائعات فقال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إن هذه الآيات نزلت في حادثة الإفك وتبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونفي التهمة عنها، لأن سبب الطعن في عرضها الشريف هو إشاعة أشاعها المنافقون والمرجفون. هذه الإشاعة القبيحة التي طعنت في بيت النبوة ومست خير امرأة بريئة مبرأة عفيفة طاهرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نال المرجفون من عرضها وولغ المشيعون في عفافها ولعبت بهم الإشاعة شر لعبة وأوقعتهم في أخطار عديدة وأمراض كثيرة. أيها المسلمون، إن بعض الناس مبتلون بهذا المرض الخبيث ومحبون جدا للترويج للإشاعات، وعندهم ميل وانحراف في جلبها وحب لتناقلها وترديدها وبث للفتنة والفرقة عبرها، ثم في المقابل وجدوا قلوبا مريضة تستقبل إشاعتهم تستقبل إشاعتهم وأفواها ضامئة تتلقف أخبارهم وتروج الأكاذيب، وأناس يحبون الفضول ويقرعون لها الطبول. إن المسلم العاقل يجب عليه أن يتثبت من المعلومات إذا سمعها ويتأكد من صحتها قبل نشرها، ويزن الكلام بميزان الشرع الصحيح والعقل الصريح قبل أن يقولها ويذيعها، ولا يسارع في نشر الإشاعات وتلفيق الأراجيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. كم من إشاعات هدمت أسر وخربت بيوتا وفرقت صداقات وقطعت علاقات وتسببت في عداوات وضيعت أوقاتا ودمرت أموالا وطاقات. كم من إشاعة أثارت فتنا وبلايا وأشعلت حروبا وزوايا. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: والفتنة أشد من القتل، أكبر من القتل، لأن القتل يقع على نفس واحدة يهدر نفسا معصومة، أما الفتنة أو الإشاعة فإنها تهدم مجتمعا بأكمله وتقضي على كل الفضائل فيه. إن الإشاعة بنت الجريمة وأشد من القتل، وخطرها لا يقل خطرا عن خطر المخدرات والآفات. وإذا كان هناك من يسعى إلى خلط الأوراق وتدمير البلاد بالتفجيرات واستهداف التجمعات وتفخيخ الأماكن العامة والمساجد والطرقات، فإن هناك أيضا من ينحر المسلمين بنشر الإشاعات ويوهن عزائمهم بتلفيق المعلومات، وكل هذا مفروض مرفوض وغير مقبول. ورضي الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أشاع الناس في أحد الغزوات خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهذه الإشاعة أعظم الضرر وأكبر الأثر على سير المعركة فقال أبو بكر رضي الله عنه فقرأ عليهم قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فثبت الناس واطمأنت قلوبهم وهدأت نفوسهم وواصلوا معركتهم ثم علموا فيما بعد أن هذا الخبر من صنع المنافقين الأفاكين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا لو عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن الإشاعات زادت فينا هذه الأيام وكثرت عن حدها وبلغت في مجتمعاتنا كل مبلغ، خاصة مع انتشار وسائل التقنية وكثرة براجم التواصل الاجتماعي، فزادت الإشاعات وتعددت التعليقات وكثرت الأكاذيب والشائعات وتردت عن الوقائع والصفحات. يقول تعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que parmi les phénomènes mauvais qui se propagent et qui se sont propagés dans nos sociétés et qui sont devenus un grand malheur, qui détruit nos valeurs et nos vies, et une maladie qui se propage et qui détruit nos bonnes manières et notre comportement, c'est la propagation de fausses rumeurs dans la société. C'est de transmettre des informations mensongères ou des informations dans lesquelles il y a des choses qui sont exactes, mais auxquelles on ajoute des informations mensongères ou fausses, dans le but d'exagérer ou d'aggraver une situation ou de créer des informations dans le but de les propager dans la société pour créer le désordre et pour créer de la haine et de la division dans les rangs ou pour se venger d'un individu, d'un groupe ou d'un État. Et la propagation des fausses rumeurs et de les transmettre alors qu'elles sont mensongères et que parfois ceux qui la transmettent savent qu'elles sont mensongères, c'est quelque chose qui ramène beaucoup de tort et qui fait beaucoup de désastres, qui fait beaucoup de malheurs. Parce que ça détruit la réputation des gens. Ça détruit aussi l'honneur des gens. Et lorsqu'on observe et on regarde, surtout dans qu'est-ce qui est propagé dans les médias aujourd'hui et dans les réseaux sociaux, toutes sortes d'informations mensongères et fausses, ou bien parfois même dont on ne peut pas vérifier la véracité ou l'authenticité. Et les gens s'amusent à propager ces informations-là et ces nouvelles entre eux. Et l'obligation et le devoir pour le musulman, c'est de se rassurer et de vérifier la véracité des informations avant de les propager. Combien de fois on a propagé une nouvelle, on a propagé un article, on a propagé une vidéo ou quelque chose, et quelques instants plus tard, après avoir fait des vérifications, on constate et on réalise que c'était un mensonge, c'était une fausse information. Et la réparation de l'erreur est souvent plus compliquée que l'erreur elle-même. Parce qu'une fois qu'on a induit les gens en erreur en leur transmettant une nouvelle ou une information qui est fausse et mensongère, eh bien, on a la responsabilité par la suite de réparer notre erreur en propageant la correction et l'information exacte pour faire savoir aux gens que l'information qu'on avait transmise était erronée et incorrecte. Et donc ça exige de notre part plus d'efforts encore et plus de problèmes parfois. Et donc, éviter de transmettre une information avant d'avoir vérifié cette information-là. Et les mauvaises informations ou les mauvaises rumeurs, les fausses rumeurs qui sont propagées, de la part de certains hypocrites aussi, dans le but de faire du tort aux musulmans, alors qu'ils savent que l'information est mensongère et fausse, mais ils le font par exprès pour faire du tort. Peut-être que certains d'entre vous, vous imaginez que qu'est-ce qu'on voit actuellement à cause des médias et des réseaux sociaux et la propagation de mensonges et de fausses informations. Vous pensez peut-être que ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans la société parce que maintenant, on a toutes sortes de moyens modernes pour transmettre les informations qui sont rapides. Une information aujourd'hui, elle fait le tour de la Terre en moins de 10 secondes. Il suffit juste de la transmettre. Mais cette maladie-là, de transmettre les fausses rumeurs, de la médisance, de parler dans le dos, de transmettre des mensonges, ça a toujours existé, même dans le passé. Et même que le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'en a pas été épargné. La maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touchée par ça et affectée par ce genre de choses. À son époque, qu'est-ce qu'on appelle un événement qu'on appelle Hadithatul Ifk. Pendant une des batailles, une expédition dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parti. Et qu'est-ce qui est arrivé durant cette expédition, les munafiqoun, les hypocrites en ont profité pour essayer d'accuser une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, notre mère Aïcha radiallahu anha, de l'accuser de turpitude et de parler sur son honneur et l'honneur de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a pas de doute que ceux qui ont propagé ce genre de nouvelles faisaient partie des hypocrites, des munafiqoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Coran, dans Surat al-Nur, et il a innocenté et nettoyé et purifié la réputation et l'honneur de notre mère Aïcha radiallahu anha. Dans plusieurs versets dans le Coran, dans Surat al-Nur, et il a réfuté ceux qui l'ont accusé injustement et qui ont attaqué son honneur. Et donc si ces choses-là existaient déjà à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'elles étaient propagées à cette époque-là, alors que dire de notre époque aujourd'hui? Et donc c'est une maladie de propager les fausses rumeurs et les propos mensongers et de ne pas vérifier. Parce qu'il y a des gens qui ont la maladie de la curiosité. Ils sont trop curieux, ils veulent tout savoir, ce qui ne leur concerne pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Min husni islam al-mar, tarkuhu ma la ya'nih. » Parmi les choses qui font partie d'un bon islam de quelqu'un, la preuve qu'il est, que son islam est bon, il y a le fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Le musulman, par nature, s'il est un vrai musulman, il ne doit pas se mêler des affaires des autres qui ne le regardent pas, ou des affaires qui ne le regardent pas, qui ne font pas partie de ses affaires. Il ne se mêle pas des affaires des autres, de leur vie privée, ou des choses privées. Il ne les espionne pas. Il n'essaie pas de chercher leurs fautes et leurs défauts, alors que ces fautes et ces défauts-là sont cachés. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ô vous qui avez cru, écartez-vous de beaucoup de suspicions, car certes une partie de la suspicion est un péché. Et ne vous espionnez pas les uns les autres. Et ne parlez pas les uns dans le dos des autres. Ne propagez pas la médisance les uns sur les autres. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort? Vous détesteriez cela? Alors craignez Allah. Protégez-vous contre le châtiment d'Allah en vous écartant de ce genre de choses. Et ne soyez pas coupable de ce péché-là en propageant le mensonge des autres. Vous dites, mais ce n'est pas moi qui ai inventé ce mensonge-là. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette information-là. Moi, je ne fais que la propager. Mais le fait de propager l'information qui est mensongère, même si ce n'est pas toi qui es à l'origine de ce mensonge, ça te fait un des complices dans la propagation du mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim, « Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddifa bi kulli ma sami'a. » C'est-à-dire qu'il est suffisant comme péché pour un musulman qu'il transmette tout ce qu'il entend. Si tu transmets et tu propages tout ce que tu entends, c'est certain que tu vas transmettre des mensonges. Et comme on dit en arabe, « لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ » À chaque lieu, dans chaque contexte, il y a une parole à dire. Et donc, il faut savoir que dans certains moments, dans certains contextes, il faut s'abstenir parfois de dire certaines choses, même si c'est la vérité. si on voit que ça risque de créer plus de tort que de bien, et que en tant que musulman, notre liberté est limitée par les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous serons responsables de tout ce qui sort de notre langue et tout ce que nous disons et tout ce que nous propageons comme information. Et donc faites attention, à moins que quelque chose est prouvé, que vous avez les preuves, que vous êtes certain de l'information, ne la transmettez pas, ne la propagez pas. Évitez de vous salir les mains en transmettant des informations mensongères. Parce que cela a détruit beaucoup de maisons, beaucoup d'amitiés, beaucoup de liens entre les gens, et ça a fait beaucoup de fitna. Et ça, c'est une fitna même pire que le meurtre. Le meurtre, lorsque quelqu'un est tué, c'est une personne qui meurt. Mais lorsque des mensonges et des rumeurs mensongères sont propagées, c'est des sociétés entières qui sont détruites. C'est le désordre qui est propagé. Et c'est un crime qui fait beaucoup de tort. Et donc, de la même manière qu'on se préserve de la destruction et du meurtre, on devrait également se préserver encore plus de propager des informations fausses et des choses mensongères. À moins qu'on ait des preuves et qu'on est certain de ce qu'on dit. Alors dans ce cas-là, on peut réellement agir et faire quelque chose. Et ce n'est pas tout ce qu'on sait qu'on doit diffuser. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ça veut dire que si il y a une information, une chose qui est reliée à la sécurité ou à la crainte, il la diffuse. Il la diffuse à tout le monde, sans faire de distinction et sans faire attention. Mais s'il avait ramené cette information aux messagers ou à ceux d'entre les croyants qui détiennent le commandement, ceux qui savent comment extraire les bienfaits des informations en question auraient su quoi faire avec l'information. Hein? Et si ce n'était que de la miséricorde et de la grâce d'Allah sur vous, vous auriez suivi le diable, excepté un petit nombre d'entre vous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت